Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Faites sauter les banques », une série de Rémi Dibowski-Douat réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des banques qui semblent toujours plus riches et l'inquiétude face aux crises boursières et aux scandales bancaires. Et puis aussi une forme de défiance pour les banques et l'impression parfois qu'on vous plonge la tête sous l'eau. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui a peur, une mère seule, un écureuil en plastique qui vous regarde d'un sale œil, un conseiller qui refuse d'obéir, une conseillère qui veut vraiment conseiller et des clients furieux. Ensuite le décor. Des grands magasins, du crédit à la consommation, un atelier pour les surendettés, des petites retraites, la peur de ne plus pouvoir payer son loyer, des frais bancaires à gogo, des mensonges et des lettres recommandées. Aujourd'hui, 4e épisode, la précarité, ça rapporte. C'est l'argent qui gouverne, là, c'est l'argent qui a besoin de plus d'argent. C'est des grands mots. J'essaie bien d'avoir un petit peu, quoi. Juste suffisamment pour, tu vois, pour... Il y a des liens très forts entre le développement excessif du secteur financier et les inégalités de revenus et de patrimoine. Les salaires astronomiques des traders ont largement contribué à l'augmentation des inégalités de revenus. Non, si j'en ai beaucoup, j'en donnerais beaucoup. C'est la domination du travail mort sur le travail vivant. Je me demande tous les mois... Comment ça va se passer? Est-ce que le prélèvement pour mon loyer va passer? Est-ce que je vais pouvoir payer l'électricité? Est-ce que je ne vis qu'avec la crainte d'avoir les huissiers? D'ailleurs, je suis devenue phobique de ma boîte aux lettres. Je n'y vais pratiquement pas. C'est pas bien, hein, parce que du coup, les courriers, certains courriers importants, je les zappe un petit peu, mais j'ai peur. J'ai le nœud au ventre quand je descends à la boîte aux lettres. J'ai peur de perdre mon toit. J'avais un portefeuille clientèle, essentiellement de clientèle un peu en difficulté quand même. D'abord parce que j'aimais bien ça, d'essayer d'aider les gens à retrouver un équilibre financier. Donc c'était un peu compliqué pour vendre des produits financiers qui ont commencé à se vendre à l'époque, à savoir le crédit revolving. En fait, j'en ai pas vendu du tout. Faites sauter les banques, on ne prête qu'aux pauvres. Rémi Douat, Assia Khalid. Je m'appelle Pascale Motte, j'ai 56 ans aujourd'hui et je suis retraitée de la fonction hospitalière depuis 2000. J'ai une toute petite retraite de 940 € et ben, c'est devenu extrêmement compliqué pour vivre et même survivre aujourd'hui. J'appelle ça survivre parce que je ne vis plus maintenant que pour essayer de ne pas me retrouver à la rue. C'est exactement ce qui me fait peur. Tous les mois, je sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer, tellement je n'ai pas assez pour vivre, et tellement la banque me prend des frais, des sous que je n'ai pas. Tous les ans, je touche des fonds sociaux de ma caisse de retraite, des aides. Et sur ces aides sociales, ils se sont prélevés exactement 252 €. Qui correspondent à quoi? Qui correspondaient à des frais qu'ils n'avaient pas pu prélever les mois précédents, puisque j'étais déjà découvert, j'ai un découvert autorisé de 450 € par là. Et le problème, c'est que maintenant, depuis environ un an, je dépasse systématiquement l'autorisation de découvert. Donc, chaque opération, si vous voulez, j'ai une commission d'intervention de 8 euros, vous voyez. Donc là, je ne fais pas le compte, mais bon, on arrive à peu près à 80 euros, ce qui est normalement le plafond. Sauf que quand j'ai reçu mon relevé de compte, ils ont reprélevé, et ça, je n'ai pas réussi à avoir les explications, même avec ma conseillère, hein, au demeurant, qui est très, très sympa, avec laquelle j'ai de très, très bonnes relations. Mais elle n'a pas de moyens. Elle est assez muselée, finalement, par sa hiérarchie et ne peut pas faire grand-chose. Donc, j'ai envoyé une lettre recommandée à ma banque pour leur demander de faire un geste, étant donné que je suis à la caisse d'épargne depuis 40 ans, je pense. Quand on était petit, nous avions tous les trois à la maison le petit écureuil en plastique là qui tenait la pièce. Ce petit écureuil nous servait de tirelire, vous voyez, donc ça remonte à plusieurs décennies. Donc j'ai pensé que peut-être, compte tenu de ma situation extrêmement précaire, la banque pourrait faire un geste, mais ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils disent ? Oh ben, ils se disent, voilà, vous exprimez vos difficultés financières à propos des frais bancaires, vous en demandez le remboursement, après analyse de votre dossier, je vous informe qu'il n'est pas donné de suite favorable à votre requête. Là où c'est extrêmement pénible, c'est que non seulement vous êtes dans une situation très difficile, je ne vis plus, hein, je ne sors pas de ma maison, ça fait des années que je n'ai pas mangé au restaurant, ça fait des années que je ne suis pas partie en vacances, je n'ai jamais chez le coiffeur, je ne mets pas d'essence dans ma voiture, là c'est fini, hein, je ne peux plus bouger du tout. Enfin, voilà, je fais simplement ce qu'il y a à faire pour ne pas me retrouver à la rue. Il est rappelé, donc ils me mettent dans le courrier, il est rappelé qu'avant d'effectuer toute opération au débit de son compte, le client doit s'assurer que son compte dispose d'une provision suffisante et disponible. Mais moi, je veux bien avoir du disponible sur mon compte, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, à moins d'arrêter de payer le loyer, à moins de ne plus m'alimenter, je vous assure que à partir du 10 du mois, je mange extrêmement peu. Mon fils aussi, d'ailleurs, hein, on n'est pas des gros mangeurs, heureusement. Un petit repas le matin, enfin un petit déjeuner, un bout de pain avec du fromage le midi, et le soir, on essaie de faire un petit repas équilibré avec très très peu, quoi. Vous avez trouvé ça déplacé, cette lettre ? Oui, oui, parce que je me sens humiliée. Je me sens humiliée de presque recevoir on me fait des leçons, ouais, c'est ça, c'est des leçons de morale. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Les populations les plus précaires rapportent de l'argent aux banques. Non seulement parce que on constate que ce sont les prestations de base et basiques qui augmentent le plus. Serge Maître, président de l'Association française des usagers de banques. Mais c'est aussi qu'il s'agit d'une population bien plus nombreuse. Et que c'est l'occasion pour les banques, bah, disons, de satisfaire leurs appétits tarifaires, de succomber à la tentation tarifaire. En d'autres termes, voilà une population qui est fragile, vulnérable, qui a un genou à terre. Eh bien, c'est l'occasion pour les banques, de mettre le deuxième genou à terre. Ça prend quelle forme ? Ce n'est pas seulement les prestations basiques, telles que la carte bancaire de retrait et autres, pour retirer son argent de son compte. Ce sont aussi toutes les opérations incidentes. Exemple, eh bien, commission d'intervention, ces chères commissions d'intervention, mais envoi de lettres, de rappels, d'informations, taxés entre 10 et 20 euros, selon les banques. Voilà autant d'occasions où on a l'impression que le client finit par être asphyxié. Et il n'est pas rare pour ces populations un peu tendues économiquement d'avoir en un an un mois de salaire pris sous forme de tarification bancaire. Alors dans la justification, souvent les banques invoquent la situation économique, leur situation économique actuelle, en disant « mais je gagne moins d'argent sur les taux d'intérêt, donc il faut bien que je me rattrape quelque part ». En fait, on oserait dire mensonge. Car lorsque l'on regarde ce que la banque de détail rapporte, les augmentations de profits sont réelles. Et pour parler que de la BNP, sur 9 milliards globalement de profits, 4 milliards viennent de quoi ? Eh bien de la banque de détail et de la tarification bancaire ainsi que des intérêts. Donc ne pleurons pas avec les crocodiles. Donc, ceux qui me prélèvent, vous voyez là, avril, septembre, donc là, le 7 septembre, 12 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 2, 3, 4, 5, bon, 50 euros. Tout ça, ce sont des commissions d'intervention. Ce sont des commissions d'intervention, hein, tout ce que je vous dis là, 8 euros, c'est des commissions d'intervention. Le mois d'août, frais de découvert 14 euros, chèque rejeté 42 euros, plus 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 8 euros, 10 euros. Frais pour lettre d'info, chèque rejeté. Combien ça ? 10 euros. Donc là, vous voyez, au mois d'août, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 fois 8. Je ne sais pas combien ça fait, je suis très mauvaise en maths. Plus 42, plus 10 euros. Ça fait 120, plus 42, plus 10. 172 euros au mois d'août. Super. Plus les remboursements les crédits à la consommation, environ 100 euros, moins 300 euros. Sur un revenu de 940 euros. Sur un revenu de 940 euros. Ce qui rapporte, c'est nous. C'est nous, les pauvres. Des gens qui vivent déjà avec des revenus en dessous du seuil de pauvreté, qu'on vient enfoncer encore plus. Vous avez étudié les tarifs en vigueur dans 136 établissements bancaires sur trois profils différents de clients. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de cette étude ? L'enseignement principal, c'est que c'est à nouveau notre petit consommateur, en fait celui qui utilise peu de services, qui est pénalisé, puisque le coût moyen du panier qui a le plus augmenté est celui du petit consommateur avec une augmentation de 1,75%. Sandrine Perroy, juriste à l'association de consommateurs CLCV. C'est dû notamment à la généralisation des frais de tenue de compte, puisque ça impacte plus un petit panier qu'un grand panier, et à l'augmentation de la carte à débit immédiat qui est comprise dans notre panier. Sur quelles dépenses les plus démunis sont les plus impactés ? Alors ce qu'on a remarqué aussi, puisqu'on suit en dehors de nos paniers de services qui sont applicables à toute population, on suit aussi plus précisément, par exemple, les cartes à autorisation systématique. Ce sont des cartes qui interrogent le compte, en fait, avant de délivrer l'argent. Et on a pu constater également une augmentation qui est de près de 3%, alors que ce sont justement des cartes qui sont destinées aux populations qui surveillent un peu leur compte ou qui ont besoin d'une sûreté, en fait, par rapport à l'argent qu'ils ont sur leur compte. Et à titre de comparaison, une carte réservée aux plus nantis d'entre nous, une carte premier, ce genre de carte, est-ce que ça a augmenté de 3%? Elles ont moins augmenté, en fait. Là, on constate effectivement une augmentation sur les cartes, effectivement, autorisation systématique. On a constaté aussi une augmentation sur les cartes à débit immédiat, hein, où on prélève automatiquement votre compte, il n'y a pas de débit différé. Sur les cartes haut de gamme, l'augmentation est beaucoup moins importante. Par ailleurs, dans l'étude, on suit également les frais pour incidents de paiement. Outre les frais qui sont plafonnés, c'est-à-dire les commissions d'intervention, les frais de rejet de chèque et les frais de rejet de prélèvement, on suit d'autres frais qui, eux, sont en tarification libre et la banque décide effectivement du tarif qu'elle entend mettre sur ses frais. Comment on explique que les banques augmentent leurs tarifs ? Il y a deux facteurs qui y contribuent. Le premier, c'est que nous avons tous, en France, l'obligation de disposer d'un compte bancaire pour encaisser nos revenus, nos salaires. Donc on est déjà, je ne dirais pas prisonnier, mais captif. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas véritablement de régulation durable de la tarification bancaire. Ça veut dire que la tarification, en principe, c'est la confrontation de l'offre et de la demande et un équilibre au vu de cette situation. Et en matière bancaire, on constate qu'il y a une très faible rivalité tarifaire. L'Europe, la Commission européenne a pointé du doigt les banques françaises, tout particulièrement avec deux autres pays, effectivement, l'Europe a pointé du doigt les pratiques tarifaires qui ne résultent pas véritablement d'une offre ouverte. Et effectivement, lorsqu'on va d'une banque à l'autre, par exemple sur les frais de tenue de compte, on se rend compte que c'est pratiquement dans le même mouchoir de poche entre 1,50€ et 2€ par mois, sauf exception. Lorsque l'on va vers, par exemple, les commissions d'intervention, eh bien, on se rendait compte qu'elles sont aujourd'hui toutes pratiquement au maximum autorisées par la loi. Il y a là un concours, un ensemble qui laisse à penser que, il n'y a peut-être pas une entente au sens juridique, mais qu'il y a sans aucun doute une bonne concertation. En tout cas, ça laisserait supposer qu'il y a une concertation. Car qu'est-ce que cette symphonie sans couac entre les établissements ? Mais c'est interdit de s'entendre sur les prix. Justement, il appartient aux autorités de contrôle, à l'autorité de la concurrence, de nous le dire. Elle n'a pas mis les pieds dans le plat. Il y a là une compréhension qui pourrait confiner à une complaisance. Autre augmentation toute récente, celle-là, celle sur les frais de saisie. Alors, l'illustration de cet appétit tarifaire est fournie par les augmentations dont les frais sur ATD, c'est-à-dire les saisies par l'État, ou encore les saisies toutes simples, donc c'est un huissier ou une lettre commandée, qui arrive à votre banque et il doit bloquer le compte et verser les fonds qui s'y trouvent aux créanciers. Et voilà que la banque prend des frais. Alors vous me direz, bon, attendez, c'est normal, elle fait un travail. Oui, mais elle prend pas peu de frais, c'est des frais supérieurs à 100€. Le plus souvent, et qui ont augmenté cette année entre 10 et 25%. Et même si vous n'avez pas l'argent pour payer le trésor public, alors on ne le payera pas. La banque ne le paye pas, sauf qu'elle prend ses frais, au moins 100€. Voilà l'illustration qu'un genou étant à terre, la banque nous met le deuxième à terre. La seule solution, c'est que les pouvoirs publics interviennent, parce que là, il faut un plafonnement, qui est sans doute une cote mal taillée, mais compte tenu de l'inflation tarifaire à laquelle on assiste, compte tenu du problème social, c'est pas juste par bonté d'âme, mais quand on a moins que rien, ça devient vraiment plus qu'une galère, eh bien, il faut que le gouvernement prenne des dispositions à ce sujet. Combien ça vous coûte finalement d'avoir un compte à la Caisse d'épargne ? À mon avis, ça doit approcher des 1 000€ par an, puisque c'est systématiquement, de toute façon, minimum 80€. 80 fois 10, ça fait 800, plus tout ce que je viens de vous montrer, là, vous voyez, les lettres, on approche des 1 000€ par an. Voilà, donc ça me fait un prélèvement par mois de 100€. Quand ma retraite tombe, j'ai systématiquement au moins 100€ qui vont partir dans les frais. Vous demandez à votre conseillère clientèle des solutions, qu'est-ce qu'elle vous répond ? Là, elle ne me répond plus. Vous voyez, j'ai envoyé, je peux vous montrer hein, les mails que je lui ai envoyés. Je pense qu'elle ne me répond plus parce qu'elle ne peut plus, voilà, elle n'a pas de solution pour moi. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est augmenter mon autorisation de découvert. Puisque quand on reste dans l'autorisation de découvert, les frais sont moins importants, ce qui n'a pas été possible. Voilà. Vous voyez mon compte aujourd'hui ? Moins 568, voilà. Il y a quelques années encore, nos conseillers pouvaient soit annuler des frais, soit faire des gestes, enfin bon, voilà, avaient beaucoup plus de marge de manœuvre que maintenant. Maintenant, de ce que j'ai compris, ma conseillère doit en référer systématiquement au directeur de la banque, de l'agence. Je travaille depuis 8 ans au Crédit Mutuel et il est vrai que depuis un an et demi, 2 ans, je dirais qu'il y a eu une évolution sur la manière dont on gère les comptes des clients, puisqu'on avait la main. Valérie Missilier, conseillère clientèle. Ce qu'on appelait avoir la main, donc sur des tarifications spontanées. C'est-à-dire que quand on envoie un courrier à un client, on avait la possibilité ou pas de le tarifer. De facturer 12 euros, 8 euros, ou suivant la grille tarifaire. Le courrier qu'on adressait au client pour lui dire tout simplement « Vous avez dépassé votre autorisation de découvert ». Et depuis, je dirais un an et demi, deux ans, on n'a plus ne serait-ce que cette possibilité-là. Donc quand on a la relation avec le client, il nous fait confiance. On sait exactement la situation qu'il traverse. Donc quelquefois, ça nous permettait de pas le mettre, comme on dirait dans le jargon, dans le rouge plus qu'il l'était déjà. Et on a perdu cette faculté-là. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la possibilité, avec la souris, de cliquer pour enlever la tarification. Il faut aller référer au N+1 derrière en lui demandant d'extourner. Donc s'il ne veut pas, il le fera pas. Même dans l'applicatif qui nous sert à gérer les débiteurs tous les matins, puisqu'on est obligé d'ouvrir cet applicatif tous les matins, si on laisse dépasser le client, on est obligé de mettre un message pour expliquer pourquoi on a laissé faire ça. Les frais sont plafonnés à 80 euros par mois. Les frais sont plafonnés. La loi empêche de dépasser les 80 euros. Donc quand on a atteint les 80 euros, ça bloque la tarification. Mais 80 euros pour quelqu'un qui gagne le SMIC et qui est déjà dans le rouge, c'est déjà trop. C'est facile d'atteindre le plafond. On a des clients en situation difficile où c'est vraiment... C'est tous les mois qu'ils atteignent les 80 euros. Ma conseillère est une personne adorable. Elle a toujours essayé de faire ce qu'elle pouvait. C'est une personne qui, je pense, comprend très bien ma situation. Quand on parle de tout ça, oui, la dégringolade depuis les années 2000 où j'ai été obligée d'arrêter de travailler. J'ai perdu mon emploi. J'ai été obligée de prendre ma retraite. Parce que j'étais seule pour m'occuper de mes trois enfants, dont mon fils qui avait une leucémie. Les répercussions de cette situation sont catastrophiques. Ma conseillère en est tout à fait consciente. Je suis certaine qu'elle compatit, mais voilà, elle ne peut rien faire. Et autour de vous, on est au courant de votre situation? Vos enfants, vous avez parlé d'eux tout à l'heure? Oui, oui, oui, bien sûr. Mes trois enfants sont tout à fait au courant. Ils m'aident comme ils peuvent. Ils sont pas... Ça va pour eux. Enfin, mon fils, c'est plus compliqué, mais mes deux filles ont de bonnes situations. Mais voilà, elles ont leur vie. Il n'est pas question que... Normalement, ce sont les parents qui aident les enfants. Moi, je les aide comme je peux, mais pas financièrement, évidemment. Il n'est pas question que je leur demande de l'argent. C'est très dur pour moi, ça. Très, très dur. On comprend sur le plan humain qu'il a ses enfants à nourrir certainement, enfin qu'il a un tas de problèmes, sauf que nous, il n'y a pas d'argent sur le compte, on ne peut pas décaisser. Donc ces situations-là, elles sont fréquentes. Régis Dos Santos, président du syndicat national de la banque. Et quand vous savez le matin que, par exemple, ça va être la période où les allocations familiales vont être versées, il y en a un certain nombre pour qui ce qu'ils vont pouvoir retirer du compte est loin d'être le montant total de ce qui a été viré par la CAF, parce qu'ils en ont déjà dépensé, qu'ils étaient débiteurs. Et puis après, vous avez d'autres périodes dans l'année. Vous avez la période de fin janvier où chaque client doit recevoir un relevé des frais qui ont été prélevés sur son compte l'année précédente, par exemple. Il y a des gens qui découvrent à cette occasion-là qu'ils ont payé une somme qui est quand même assez, assez rondelette, même si toute une série de mesures ont été prises justement par le ministère des Finances, les associations de consommateurs et autres. Mais ça, ce sont des périodes où, quand vous êtes chargé de recevoir les clients, vous savez qu'à cette période-là, il y en a beaucoup qui vont venir et qui vont être très, très en colère. Après, il y a les périodes où le monde de la banque défraye la chronique. Quand on apprend que deux cadres d'une grande banque française sont mis en cause aux États-Unis parce qu'ils ont participé à, ils auraient participé à une manipulation d'un taux de change du Libor. Quand le client vient à l'agence et qu'il entend ça, et je vous parle pas des banques qui ont été condamnées à plusieurs centaines de millions de dollars d'amende, quand on entend ça aux infos le soir à 20h, on sait qu'il y a danger pour le lendemain et le surlendemain, parce que les gens qui seraient venus en colère parce qu'ils ont eu des frais qui ont été prélevés, s'ils ont entendu ça la veille, le lendemain, ça part en vrille complètement, parce que le client là, nous dit au conseiller, évidemment, avec ce que vous êtes obligé de payer comme amende parce que vous avez détourné de l'argent, c'est sur notre dos, à nous, petits, que vous allez les récupérer. Comment vous vivez ces choses-là ? Pas forcément bien. On essaye d'adapter au mieux avec les clients dès l'entrée en relation pour leur expliquer qu'il faudra faire attention, qu'il faut nous faire confiance, qu'il faut nous parler. Mais l'image des banques a été tellement détériorée que même pour le client d'entendre ce discours-là, pour lui, c'est pas cohérent. Les banques sont là pour s'enrichir et ce discours-là est très difficile. Ils y croient pas forcément. On peut pas leur donner tout à fait tort, non, sur le fait que les banques veulent s'enrichir. 2,7 milliards de bénéfices sur les trois dernières années. 2,7 milliards de bénéfices par an. Voilà, ça c'est les résultats de mon groupe. Oui, les banques sont là pour s'enrichir. Mais enrichir qui, en fait ? La base du Crédit Mutuel, c'était que l'épargne des uns facilite les dépenses des autres. C'était pas de faire des milliards de bénéfices. Aujourd'hui, ces milliards de bénéfices ont servi à aller racheter des banques dans les autres pays européens qui ont été touchés encore plus durement que nous par la crise, avec des plans de licenciement derrière. Et oui, les banques sont là pour s'enrichir. Vous avez en mémoire une banque qui prend plus en compte la vie de chacun, les accidents de la vie, et qui essaie de s'adapter ? Oui, il me semble quand même qu'il y a quelques années, j'avais eu quelques incidents sur mes comptes bancaires, parce que quand on vit seul avec trois enfants, même en travaillant, c'est pas facile non plus. Il me semble quand même qu'à l'époque, il y avait des possibilités, ne serait-ce qu'avec des prêts, vous pouvez rattraper votre situation et à des taux raisonnables. Tandis que maintenant, ce n'est plus du tout la même chose. La banque elle-même ne vous prête pas. La seule solution qu'on me propose, c'est l'organisme de crédit Natixis. C'est un taux à 20%. Normalement, il existe une offre spécifique pour les personnes les plus précaires, les plus fragiles. Est-ce que vous avez demandé à pouvoir bénéficier de cette offre spécifique ? Je crois qu'elle est à 3 euros par mois pour le service bancaire, ce qui est beaucoup moins cher que le marché. Mmh. Alors oui, j'ai demandé, on a discuté, enfin j'en ai parlé à ma conseillère, par mail, là. Je lui ai envoyé un mail il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'août. Et donc, elle me répond précisément. Je peux vous lire sa réponse, son mail. Il existe, bien sûr, une offre spécifique dont nous avons déjà parlé, qui limite la tarification, mais qui ne comporte pas de chéquier, ni d'autorisation de découvert, et pour laquelle nous devons aussi modifier votre carte. Carte bancaire. Carte bancaire. C'est une carte à autorisation immédiate, en fait. C'est-à-dire que si la somme n'est pas disponible sur votre compte, vous ne pouvez pas faire paiement. Oui, mmh, d'accord. Donc non, je ne peux pas. Voilà, pour passer de ce contrat à l'autre contrat à 3 euros, il faudrait pour ça que mon compte soit nickel, hein, qu'il soit à zéro. Et alors ça me pose vraiment un cas de conscience. Je suis aussi dans la culpabilité. Je me dis, je reproche à la banque de me faire payer finalement un service dont j'ai besoin. En fait, il doit être mis en évidence que le législateur n'est pas resté sourd, effectivement, aux dénonciations. Il a mis en place un régime juridique pour les populations fragiles, vulnérables. Or, on se rend compte que les banques semblent l'ignorer. Oh, elles l'ont dans leur réglementation, elles l'ont même sur leur plaquette tarifaire. Oui, mais ces tarifications minorées, spécifiques pour, par exemple, les commissions d'intervention, eh bien, elles ne sont pas appliquée. On reste au tarif fort, si on peut le dire, au tarif usuel pour les populations qui sont en commission de surendettement, pour les populations qui sont fichées à la Banque de France ou dont les revenus sont tels qu'on n'ignore pas les incidents. En fait, le compte à 3 euros, instauré par la loi au profit des populations vulnérables, est un compte stigmatisant. Vous passez pour le pauvre de service. Or, on constate que l'offre commerciale actuellement, par certains établissements, est plus favorable. Prenez le compte Sésame de Carrefour, 1 euro par mois, tiens, l'autre c'est 3 euros. Et deuxièmement, retrait gratuit dans tous les établissements affiliés à Carrefour, c'est 3000 distributeurs. Donc là, on se dit que le secteur commercial de l'économie marchande a peut-être d'amené le pion à l'offre définie par le législateur et dont le prix est finalement bien trop élevé à 3 euros par mois. Yvette, dépêche-toi, voilà les huissiers. Tu sais combien je t'aime, prête-moi de la monnaie. Saloperie d'huissier qui ne te laissera qu'une table. Heureusement que je suis chez toi et que t'as un emploi stable. Tu vas chez le banquier. Tu vas chez le banquier. Tu vas chez le banquier. Je suis à sec. À sec. Bonjour, voilà, je vous appelle parce que je désirais avoir une autorisation de découvert de 300 francs. Alors, quand on est à sec et sans autorisation de découvert, on emprunte à sa banque. Parmi les 194 000 personnes qui ont déposé un dossier de surendettement à la Banque de France en 2016, 40% avaient souscrit un crédit à la consommation. Et 21% d'entre eux ont eu recours au crédit renouvelable. Un emprunt sans date de fin qui peut rapidement devenir toxique pour son utilisateur. De quelle manière? Pour mieux comprendre, j'ai voulu rencontrer CTLM, la filiale de la BNP dédiée au crédit. Après 2 mois d'attente et de multiples relances, j'ai dû renoncer et poser mes questions à une conseillère clientèle, en première ligne dans la vente de ses produits financiers. Ah, les crédits consommation, c'est un grand chapitre. On anticipe les besoins du client. Pour moi, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que on va proposer et faire signer un crédit consommation au client alors même qu'il n'en a pas besoin. On va lui mettre une enveloppe en lui disant que potentiellement, un jour, s'il en a besoin, elle sera là. Mais vu la conjoncture, en laissant une enveloppe ouverte, les gens se servent, surtout les plus démunis d'ailleurs. Donc effectivement, on ouvre des enveloppes à tour de bras en espérant que les clients vont taper dedans. Et c'est ce qu'ils font. Comment vous faites pour ouvrir une enveloppe? À l'ouverture du compte, quelqu'un qui vient pour ouvrir un compte bancaire, on va lui proposer une carte de paiement 4 fois, donc sur lesquelles il va faire un paiement avec et il aura un TEG qui va aux alentours de 11% ou entre 11 et 17%. Donc on va déjà lui proposer ce service-là. Et si, au moment de l'ouverture de compte, ses salaires et ses charges lui permettent, on va lui proposer un crédit conso de 5, 10 ou 15 000 euros en se disant que le jour où il aura besoin de changer de voiture, bah, il sera déjà là. Ou changer de voiture ou de frigo, ou peu importe. C'est le package complet. On encourage l'endettement. Le crédit consommation est devenu ce qui rapporte le plus aux banques. De toute façon, le risque n'est pas énorme. Un client qui va dépasser son endettement, ils prennent les garanties qui vont derrière et par rapport à toute la population, le risque est insignifiant. On est devenu obligé de vendre ces produits-là, même si c'est pas forcément ce qu'on préfère. Et vous, en tant que conseiller clientèle, on vous demande des objectifs là-dessus? Oui, on a des objectifs, bien sûr. Crédit Mutuel, on n'est pas commissionné, donc on n'a pas de commission sur les produits qu'on vend. Par contre, on a des objectifs de caisse. On n'a pas d'objectifs individuels, on a des objectifs pour l'agence, pour la caisse locale, pour l'année, et donc qui sont répartis ensuite en fonction des conseillers ou du métier qu'on fait exactement dans l'agence. Mais oui, on est objectivé sur les crédits consommation, crédits immobiliers, sur les cartes, sur tous les produits qu'on vend. Sur le téléphone, on est objectivé, sur les protections vol, sur les alarmes pour les maisons, on est objectivé, tous les produits qu'on vend. Et comment vous le vivez d'être objectivé sur le crédit à la consommation ? Le crédit consommation, si le client en a besoin parce qu'il doit changer de voiture et que sa capacité de financement est entendable, c'est bien. Il faut bien qu'il change de voiture pour aller travailler et qu'on lui finance. Maintenant, le crédit consommation, parce que y a une nouvelle télé qui est sortie et que il veut le dernier écran plat, c'est, pour moi, c'est une ineptie. On ne peut pas financer ce genre de produit avec des crédits consommation. C'est un cercle sans fin et les gens se retrouvent en surendettement, un accident de la vie, et on se retrouve dans des situations... On a vu des clients se retrouver sans rien à cause de ça. Monsieur ou madame, parce qu'ils se sont séparés, parce que il n'y a plus qu'un seul salaire pour payer les dettes et ça ne fonctionne pas. C'est trop dangereux. Personnellement, je ne fais que des crédits conso quand les dossiers sont sûrs et que je ne veux pas faire de crédit consommation si les clients, si j'ai un doute sur le fait qu'à un moment ou un autre, ils peuvent se retrouver dans une situation compliquée pour le payer. Et est-ce que ça vous met en difficulté par rapport à votre hiérarchie ? Ça met en difficulté quand on fait les comptes au début de l'année ou en réunion de personnel et où on n'arrive pas, où on n'a pas fait les mêmes objectifs, où on n'a pas atteint le chiffre qu'on devait faire. Mais c'est une question de conscience, quoi. Ça met en difficulté, oui, parce que aujourd'hui le crédit mutuel ne licencie pas si on n'atteint pas nos objectifs, mais bien d'autres banques le font et j'ai peur que à terme ce soit en projet. On arrive pour l'instant à canaliser cette question-là, c'est-à-dire que les conseillers ne soient pas blâmés parce qu'ils n'ont pas fait leurs objectifs. Mais le jour où on va y arriver, on aura tout à fait perdu l'identité Crédit Mutuel, je crois, ce jour-là. Aujourd'hui, troisième atelier, on va parler des crédits à la consommation et du surendettement. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut dire sur les crédits à la consommation ? Les cartes. Sauf un coup. Ça fait 10. C'est bien. On va plus citer. Ça, c'est l'argent qu'il donne, la culture donne. Avec des amis. Tu payes plus d'intérêt que de... Ah, oui. C'est des facilités d'achat qui sont payantes. Donc, vous voyez que ça se présente comme une carte bancaire. Mais dessus, il y a écrit Sofinco Mistral. Ça va, ça vous met en difficulté, cette carte, ou pas ? Non. Dans votre budget ? Non, ça va. Mais pour l'instant, je n'y touche pas. Bon. En cas de besoin, t'appelles Pépin. Rosine ? Il a de la chance. Hein. Parce que moi, c'est passé par là. Hein. Ouais. Sauf un coup là. Oui, ça vous met en difficulté ? Ah oui. J'ai Kangourou et j'ai carte de crédit que. Mais moi, non, je vois pas le bout. Hein. Ouais. Dans les deux crédits, c'est la même société, Sofinco. Avant, ça s'appelait Finaref. Ouais. Finaref s'est fait racheter par Sofinco, donc maintenant c'est Sofinco. Bien sûr. Et le taux d'intérêt que eux ils mettent dedans, donc moi je paye 55 euros dans un. Et le taux d'intérêt à combien ? 55 euros dans un et 80 dans l'autre. Mais le taux d'intérêt que eux ils mettent, donc sur 55 euros, je paye 20 euros. Donc, quand je vois le remboursement, je rembourse plus les intérêts que autre chose. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Moi, quand j'ai commencé avec eux, j'avais que Kangourou, j'étais à 1005. Ils m'ont bourré d'intérêts. J'ai continué je paye toujours, que jusque-là, je vois pas le bout, donc je paye toujours. Après, ils m'ont dit, ah ben, vous êtes une bonne cliente. Est-ce que vous voulez que vous avez besoin de 200 euros, on vous le donne tout de suite. J'ai tenté le coup, j'ai dit, ok, envoyez vos 200 euros. Ils m'ont envoyé 200 euros par intérêt, après, ils m'ont envoyé une carte. Ils ne m'ont pas dit combien il y avait dans cette carte. Donc, ça fait que j'ai retiré 10 euros, 20 euros. Et l'intérêt, ça a commencé à monter. Et eux, ils rajoutent les sous sans vous le dire. Donc, vous allez avec la carte, vous retirez. Et jusqu'à, je suis arrivée à 1005. Et c'est ce que je suis en train de payer en ce moment parce que j'ai les ACDIC, j'ai la CAF, ben j'ai les enfants, j'ai 5 enfants. Et moi, je ne vois pas le bout. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser tous les mois ? Vous l'utilisez cette Non, carte ? Moi, je n'utilise plus. C'est pour ça que j'ai déchiré la carte. D'accord. Okay. Maintenant, je suis en train de rembourser. Ouais. Mais je rembourse sans voir, ouais. sans voir ouais. Le bout de... Bon. Ouais. Voilà. C'est les intérêts que tu rembourses. Oui, voilà, c'est les intérêts. Je paye les intérêts. Du coup, pour m'en sortir, c'est-à-dire soit pour payer mon loyer, soit pour acheter à manger, soit pour payer les factures, je fais appel au crédit à la consommation. J'ai deux prêts, un chez Natixis, c'est prêt de la caisse d'épargne. Je leur dois 1 000 euros. À quel taux ? Que je rembourse tous les mois, à un taux à 20%. Et j'ai aussi un autre prêt chez Franc Finance, donc Société Générale, voilà, il y a bien le logo. Je leur dois environ 1 000 euros aussi, et c'est pareil. Alors non, celui-ci est un petit peu moins élevé, je crois. C'est pas très clair, hein. Mais si, il est à 20% aussi, hein. Voilà, c'est exactement la même chose. Si vous comptez les 80-100 euros que je donne à la banque, plus mes remboursements chez Franc Finance et Natixis, qui sont de environ 100-110 euros, les deux réunis, ça fait 200 euros. Voilà, 900 moins 200, moins le loyer, moins les charges qui vont avec, moins les assurances, moins le téléphone. Enfin, il me reste quoi, 50 euros pour manger, quoi, pour tout faire, pour vivre. Et ces organismes de crédit ne font aucun barrage, hein. Au contraire, c'est eux qui vous contactent. Encore ce matin, j'ai été contactée par Sofinco. Sofinco, c'est Crédit Agricole. J'avais ouvert une petite réserve d'argent chez But pour acheter mon aspirateur, que je rembourse tous les mois, voilà, 20 euros. J'essaie toujours d'avoir des mensualités les plus basses possibles, donc je rembourse pendant très longtemps. Donc, étant donné que j'ai ouvert cette réserve d'argent, il me démarche, hein, par téléphone ou par courrier pour me pousser à utiliser, je crois que c'est 1 000 euros chez Sofinco que j'ai en disponible. Quand vous contractez ce genre de prêt dans un magasin, l'enquête est très vite faite. Vous donnez votre salaire, votre loyer, vous dites ce que vous voulez, ils ne vont pas aller chercher midi à 14h. C'est fait, là, dans les 5 minutes, vous avez votre réserve d'argent débloquée. Donc vous pouvez donner n'importe quoi comme salaire alors ? Ah oui, absolument. C'est très très facile. Je voulais savoir si vous aviez des convertibles. Oui. C'est plutôt à l'étage ou... Ils sont en bas, vous en avez un de chez là-bas. Ouais. Ah ouais, il est bien. C'est un 140 alors ? C'est un convertible, oui, de 140. Un lit de 140 par 195 à l'intérieur. Donc là, le 2500 euros, c'est le prix de base ? Oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui est possible au niveau financement ? On peut faire, au début, c'est 5 fois, et après, on peut étaler jusqu'à 10 fois, 15 fois. 15 fois ? Avec un petit taux d'intérêt à 2,90. Et c'est quoi comme... C'est Sofinco ? Mmh. Et donc Sofinco, c'est une banque, ou c'est quoi ? Bah, Sofinco, c'est le Crédit Lyonnais, je crois. Donc, c'est un dossier de financement qu'on vous fait. Ouais. Donc, il y a un acompte à donner. Et le reste, vous le payez au nombre de fois que vous voulez. Voilà. Mais donc, alors. Ils font un papier, donc RIB, une pièce d'identité, c'est tout. Voilà. Puis, on fait avec le nombre de fois que vous voulez. Mais alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, Sofinco, alors ? Bah, c'est notre partenaire pour les financements. C'est eux qui s'assurent de ma solvabilité ou quoi ? Bah, c'est-à-dire que nous, on va vous poser plein de questions. On va vous poser votre nom, votre prénom, ce que vous faites comme métier, combien vous gagnez, combien vous payez pour votre loyer. Mais c'est déclaratif. C'est ce que je vous dis, quoi. Comment ça, déclaratif ? Bah, c'est-à-dire, vous me dites, vous allez me poser plein de questions. Oui, mais il n'y a pas besoin de fiche de paye, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. Au-dessous de 3 000, je n'ai pas besoin de fiche de paye et je n'ai pas besoin de déclaration d'impôt. Au-dessous de 3 000 euros. C'est-à-dire, je peux faire 3 000 euros d'achat à crédit chez vous sans problème. Voilà. sans prouver quoi que ce soit. Voilà. Alors, tous les magasins sont affiliés à des organismes de crédit. Les banques font aussi des crédits à la consommation. Oui. Crédits à des taux élevés qui peuvent prendre en compte des découverts pour faire des avances avec des cartes de crédit à la consommation, avec des taux qui ne sont pas les mêmes que les prêts bancaires. Alors, quand on n'arrive pas à rembourser, c'est toujours des procédures de recouvrement. Huissier, cabinet de recouvrement, saisie, des ressources, quelles que soient les ressources. Blocage de compte et tout ça. Blocage de compte. Donc, on fait attention. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Donc, ça coûte cher. Les taux d'intérêt sont élevés. Quand on en a, on a du mal à voir la fin des crédits. On rembourse. Alors, même les personnes qui ont du RSA peuvent avoir ou ont des cartes de crédit à la consommation, parce qu'on peut accéder à ces crédits quand on a des ressources, un salaire, etc., on est en couple, et après la situation change, on sépare, on n'a plus d'enfants à charge, il y a moins de ressources, on perd son emploi, mais on garde toujours la carte, comme vous dites, moi ça fait longtemps que je l'ai toujours. Si on ne la résilie pas, on garde toujours cette carte active. Alors, dans le budget, ça déséquilibre, parce qu'en fait, la carte de crédit permet d'avoir des ressources supérieures aux ressources que l'on a, ces ressources propres. Ça permet d'augmenter un peu son niveau de vie, mais je rembourse. Donc, à un moment donné, ça va poser problème. Alors, ce que je dis toujours, c'est attention, il y a une... c'est moi hein, qui dis ça. Une alarme, une alerte. C'est quand j'utilise ma carte... comme la vôtre, là, ou comme la vôtre, pour faire mes courses alimentaires ou vestimentaires. Ça veut dire que mon budget, il fonctionne à l'envers. Hein, j'ai du mal à m'alimenter, j'ai payé mes charges, j'ai payé mes crédits, mais il ne me reste pas assez pour les besoins vitaux. Donc à ce moment-là, j'utilise ma carte de crédit avec un taux d'intérêt pour faire des courses alimentaires. Donc là, ça met le budget en difficulté. On peut, mais c'est difficile. Oui, mais à un moment donné, ça ne va plus aller. Je vous pose une question. Moi, j'ai mes enfants en droit de visite. Ça veut dire qu'au mois de juillet, je vais avoir un mois. Tous les ans, je les ai. Là, je vais me servir de la carte pour le manger. D'accord. Mais sinon, après, je ne touche pas. D'accord. Il ne faut pas que ce soit tout le temps. Non. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir exactement comment ça se passait pour les financements. Alors, vous faites vos achats et après, il faut venir ici avec tous ces documents-là. D'accord. Si vos achats dépassent les 1500, il faut un dernier bulletin de salaire de mois de juin. Parce que moi, j'ai que des petits contrats. Il n'a pas besoin. Ça, c'est pas gênant. Et alors, pour ce crédit à moins de 1500 euros, vous vérifiez pas combien je gagne? Donc, ce sera verbal. Hein. Oui. Ce sera verbal. Si vous avez tous ces documents-là. En combien de temps? 20 minutes à peu près, un quart d'heure, 20 minutes pour monter le dossier. En 20 minutes, vous me prêtez 1500 euros sans regarder si je peux les rembourser ou pas. Il ne prête pas, hein. Faut acheter. Ouais. Faut acheter donc les articles et puis voilà. Mais je voudrais juste comprendre comment ça fonctionne, le crédit renouvelable. Si vous utilisez tous les 1500, il vous prélève 150 euros. Si vous le faites aujourd'hui, à partir de 7 août, les 150 euros, pendant 10 mois. Pendant 10 mois. Sans frais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si je me resserre de la carte... Vous pouvez refaire la même chose, mais il n'y a plus des documents à fournir. Et cette carte-là, donc, est valable un an. Elle coûte 15 euros, la carte. L'année. Et la deuxième fois que je vais me servir de ma réserve d'argent, ce sera combien le taux? C'est assez cher, hein. C'est assez cher. Ah oui. Presque 20%. Hein, 20% le taux. Mais bon, si alors, c'est des achats chez vous, il y aura toujours des promotions. Hein. Ok. Merci madame. Donc vous maintenant, ce que vous voulez, c'est sortir de l'endettement à 20%. Oui. Donc des organismes de financement comme Franc Finance, Sofinco, par exemple. Donc sortir de cet endettement-là pour entrer dans un endettement avec des taux plus raisonnables. Moi, c'est ma mensualité qui m'intéresse. Le taux, je voudrais avoir un prêt à taux raisonnable, comme vous dites. Mais j'ai eu beau faire le tour, ça fait longtemps que je fais le tour de tout ça. Je n'y ai pas accès. Je n'y ai pas accès. C'est tout simple. moins on peut payer, plus on paie. Quand on n'a pas accès à l'argent, quand on n'a pas accès à l'argent, la seule chose qui te reste comme monnaie d'échange, c'est le crime. Faites sauter les banques, on ne prête qu'aux pauvres. Avec Pascal Motte, Serge Maître. On peut rien faire. On peut rien faire. Quoi. Valérie Missilier. Alors on se tue. Alors on se tue. Régis Dos Santos, Sandrine Perrois. Documentation Caroline Chausset, Valérie Arnoux, Michael Simon. La question, c'est celui du désœuvrement. Et le désœuvrement est dû en partie au fait que les gens n'ont pas d'emploi. Parce que c'est prise de son, Hélène Langlois et Thomas Robin. C'est-à-dire de s'employer à quelque chose. Mixage, Pascal Bénard. Ça, c'est bien, ça. Bruitage, Sophie Bissens. Merci à Sonia Kronlund. Sans emploi de la vie. Coordination, Perrine Carvran, assistée de Marie-Vonne Abolivier. Appelle le crime qui, lui, est un œuvrement, une œuvre collective, individuelle. Une série documentaire de Rémi Douat, réalisée par Asia Khalid. Si les banquiers pouvaient coter en bourse le ciel étoilé, s'ils pouvaient des étoiles filantes tirer un profit ou une rente, hésiteraient-ils encore longtemps à facturer le firmament? Puis aux quinzaines commerciales à mettre en solde les étoiles. Notre planète est un trésor où la beauté se change en or, où la lumière est une luciole et la musique un rossignol. Cette harmonie nous promettait la joie, la jouissance et la paix. Oui, mais plutôt que ces chimères, nous avons inventé la guerre. Oui, mais moi, plutôt qu'un monde clinique enferré dans les paranoïas, finiment égocentrique où les riches sont les héros, je veux voguer sur le radeau de l'infiniment poétique, de l'infiniment poétique. Les pétroliers font sur la mer de longues et paisibles croisières. Le cœur léger, la fleur aux dents, ils transportent le carburant. Ils font de l'eau, l'air et l'azur pour alimenter nos voitures. Ils sont la fierté, le fleuron de la société du goudron. Ah, il y a dans chaque visage une lueur, un paysage, un monde unique à respecter ou à combattre ou à aimer. Mais aux cupides manigances de ceux qui traquent le pognon, je préfère les rires et les danses de ceux qui vivent de chansons. Parce que moi, plutôt qu'un monde clinique enferré dans les paranoïas, finiment égocentrique où les riches sont les héros, je veux voguer sur le radeau de l'infiniment poétique, de l'infiniment poétique. Cette harmonie nous promettait la joie, la jouissance et la paix. Banquier, conseiller, surendetté, bon client ou exilé fiscaux, LSD, c'est tout pour cette semaine. Oui, mais moi,